Temps de solitude, rap éclectique, écrit par Eric. Temps de solitude. Temps de solitude. Solitude qui rime mes nuits, loin de multitude qui vit la nuit. La nuit, le jour sont remplis de gens pressés qui chantent la vie dans un métro enfumé. Tant de solitude. Le clameur de klaxon résonne dans mes oreilles, le trompeur de personne réclame dans la veille. Tant de solitude. Dans cette grande ville grise qui emplit mon amplitude, où les gens ironisent, le clameur du matin progresse dans les rues, les excès de chacun commandent tous ses menus. Tant de solitude. Tant de solitude. Tant de solitude. Être seul chaque jour dans cette grande cité rappelle cet amour, le verbe d'être aimé. Tant de solitude. Tant de solitude. Nous sommes perdus dans la solitude, ce n'est plus dans mon vocabulaire, dans ce dictionnaire d'angoisse mais de solitude. Tendre la main devient nécessaire. Tant de solitude. Tant de solitude. Le mot solitude est perdu quand nous sommes à la rue. Tant de solitude, tu n'es plus dans mon vocabulaire. Il suffit de regarder dans le dictionnaire. Tant de solitude rime avec pourriture. Avec pourriture. Tant de solitude. Tant de solitude. Le jour sont remplis de gens pressés qui chantent la vie dans un métro enfumé. Tant de solitude, solitude, solitude. Les clameurs de klaxon résonnent dans mes oreilles. Le trompeur de personne réclame dans la veille. Tant de solitude. Quand nous sommes perdus dans la solitude. Ce n'est plus dans notre vocabulaire, dans ce dictionnaire d'angoisse, mais de solitude. Tendre la main devient nécessaire. Tant de solitude.